or fall apart. contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life. Écoutez RTL 2, deux belles voix pour vous réveiller dès le matin. Robbie Williams, c'est celle de Christophe Mercier. Oh. Bonjour Christophe. Ah, la comparaison. Bonjour Charlie. Ça va ? Oui, ça va très très bien. Est-ce que tu as passé un bon week-end ? Oui, et tu sais que j'ai eu la chance de croiser une fois Robbie Williams dans les studios d'RTL 2. D'accord. J'ai une petite photo et tout sur mon Facebook. Le gars est très sympa. Hein. Et je crois que lui a posté sa photo avec toi aussi. Évidemment, sur il a mis with Christophe Mercier, the French animator of RTL 2. Enfin, very proud. Bah, je viens de prouver encore mon niveau d'anglais absolument exceptionnel. Tu es sur RTL 2 jusqu'à midi, Christophe ? Absolument. Passe une bonne émission. Toi aussi, à ce soir. Ciao. Ciao, ciao. 6h avec RTL 2, le son pop rock dans un instant de Muse et de Sting. Le son Et pour l'instant, premier point complet sur toute l'actualité à 6h, c'est avec Valérian Guestre. Bonjour Valérian. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Les messages de prévention sont bien pris en compte pour Agnès Buzyn. La ministre de la Santé s'est félicitée hier du nombre assez faible des consultations en lien avec la canicule dans les services d'urgence. La vague de chaleur se poursuit pendant 2 jours encore. Un pic de pollution à l'ozone touche l'Île-de-France, la vallée du Rhône et l'est du pays. Des restrictions de circulation ont été mises en place aujourd'hui dans plusieurs agglomérations. Il est mort en voulant protéger ses amis. Une marche blanche aura lieu mercredi à Grenoble. Après le meurtre d'Adrien, 26 ans, le 29 juillet à la sortie d'une boîte de nuit, ses agresseurs ont été mis en examen. Il s'agit de deux frères de 19 et 20 ans. On a appris hier. Non. Oh, pardon. Pas de souci. On a appris hier la mort d'Arsène Tchakarian. Samedi, il était à 101 ans, le dernier survivant du groupe Manoukian qui avait résisté à l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, c'est à moi. En Indonésie, le bilan s'alourdit encore sur l'île de Lombok. Oui, au moins 82 personnes ont été tuées après un nouveau séisme hier de magnitude 7 sur cette île très touristique. Des centaines d'autres blessés. Il intervient une semaine après un premier tremblement de terre qui a déjà fait 17 morts. Les autorités avaient lancé une alerte au tsunami qui a été levée ensuite. Les feux en Californie ont fait une 7e victime, un ouvrier chargé de relancer l'électricité. L'incendie car qui fait rage à 300 km au nord de San Francisco n'est toujours pas contrôlé malgré les 4200 pompiers mobilisés. L'état de catastrophe naturelle était décrété ce week-end pour venir à bout des brasiers. Les premières arrestations au Venezuela, 6 personnes accusées d'avoir tenté d'assassiner le président Maduro samedi ont été interpellées. En plein discours, des drones chargés de C4 ont explosé mais sans toucher Nicolas Maduro. Ce dernier accuse la Colombie. Coup d'envoi des championnats d'Europe d'athlétisme aujourd'hui à Berlin. Pour ce lundi, des Français sont engagés au marteau, en poids, en longueur ainsi que sur 100 mètres et 400 mètres haies. Les Bleus avaient remporté 6 médailles au JO de 2016 et 5 au Mondiaux l'an dernier. Ils font donc partie des nations favorites. La météo, 67 départements toujours en vigilance orange à la canicule. 2/3 du pays est donc concerné. L'air est plus frais de la Bretagne aux Hauts-de-France. Partout ailleurs, il fait donc très chaud. Et les températures les plus chaudes de cette canicule sont pour aujourd'hui et demain. Ensuite, les températures vont chuter en milieu de semaine. Pour aujourd'hui, le temps magnifique, du bleu évidemment partout. Attention à des orages malgré tout dès la fin de la matinée sur les Alpes et en Occitanie. Quelques nuages et coups de tonnerre en Corse cet après-midi. Pour les températures, 15 à 18 sur le nord-ouest en ce moment. Déjà plus de 20 degrés partout ailleurs cet après-midi. Midi, on aura jusqu'à 28 degrés à Brest, comptez 32 degrés pour Lille et à Nice, 36 à Lyon et jusqu'à 38 degrés à Bordeaux. Très bon réveil, bonne matinée. Bon réveil, c'est le morning de l'été sur RTL 2. Fragments and scattered debris. Sud avec le son pop rock de Muse. Tous les jours de 6h à 10h, c'est le morning de l'été sur RTL2. J'espère que ça va bien pour vous. 6h06, une petite pensée, comme toutes les semaines, chaque lundi, pour toutes celles et ceux qui reprennent le travail aujourd'hui. Avec le son pop rock RTL2, nous écouterons tout à l'heure Lenny Kravitz, les Red Hot Chili Peppers, Oasis ou encore Sting. On va évidemment vous dire qu'aujourd'hui on est le 6 août. On va vous dire qu'on souhaite une bonne fête aux Marlène et puis quelques bons anniversaires à souhaiter avec Marc Lavoine qui fête aujourd'hui ses 56 ans. Marc Lavoine qui est venu présenter dans le double expresso RTL2 son dernier single. Les images, les photos, les vidéos à retrouver sur RTL2.fr. Bon anniversaire également à Luc Alphand. Il fête ses 53 ans. On va vous offrir vos vacances encore une fois aujourd'hui avec la roue pop rock RTL2. Donc un petit conseil, restez ici parce qu'en la tournant, c'est peut-être une semaine en résidence Bio Resort que vous allez gagner. Donc restez là, 32-28 pour les inscriptions. Et puis le son pop rock d'Alana Maels, maintenant c'est Black Velvet. Et c'est le son pop rock de votre réveil avec le morning de l'été RTL2. I'm

réveil à 6h23 avec RTL2 et le son pop-rock de Lenny Kravitz. Si vous restez avec nous, vous allez entendre les Red Hot. On écoutera également Oasis ou encore One Republic. L'horoscope, pour l'instant à 6h24, maintenant avec les béliers, des occasions en or se présenteront et vous saurez les saisir. Les taureaux, vous n'aurez besoin de rien de plus pour être heureux, tout est là. Alors ouvrez les yeux. Les gémeaux, vous allez trouver les réponses à vos questions, cela vous permettra d'aller de l'avant. Les cancers, vous prendrez le temps de trouver les bons mots, votre auditoire sera conquis. Les lions, vous serez d'humeur romantique. Si vous n'êtes pas déjà, eh bien vous pourriez peut-être tomber amoureux. Les vierges, vous aurez une âme de vainqueur. Vous allez relever tous les défis avec succès. Les balances, attention, pas question de procrastiner, absolument pas. Et c'est pas facile à dire le matin. Vous serez déterminé à accomplir toutes les tâches restées en suspens. Les scorpions, vous aurez confiance en vous. Rien ne pourra vous arrêter. Les sagittaires, l'heure sera à la rigolade. Personne ne restera indifférent à votre humour. Les capricornes, aujourd'hui un voyage ou une aventure vous comblera. Les Verseaux, un ami de longue date sera présent pour vous au bon moment. Et puis enfin, les poissons, amis, apéro, chanter, danser, vous êtes un bon vivant. Et ça, personne n'en doutait. On écoute One Republic maintenant sur RTL2 pour aller jusqu'aux infos de 6h30 dans le morning de l'été RTL2. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. envie de dire dans la joie et la bonne humeur avec le son pop rock RTL2 de One Republic. Dans un instant, vous écouterez Queen, il y aura Zazie ou encore Jane après l'info de 6h30 dans le morning de l'été RTL2. Justine dit, c'est Greg. Voilà, j'ai pensé à quelque chose pour l'émission. Mais Greg, on vient de partir en vacances. Non, mais ça, je sais, mais j'ai pensé à une nouvelle rubrique. Oui, monsieur, un double mojito, par favor. Bah non, c'est double expresso, hein. Oh, mais pas pendant les vacances, Greg. Allez, on en reparle plus tard. D'accord, mais je te manque un peu quand même. Bonnes vacances, Greg. Oh là là. Lundi 27 août, 6h-9h, c'est le retour du double expresso RTL2. Il est 6h30. Chaque demi-heure, c'est l'info sur RTL2 et c'est avec Valérian Guestre. Bonjour Valérian. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le pire est à venir pour la canicule. Météo France annonce la plus grosse vague de chaleur pour aujourd'hui et demain. Il faut être patient, les températures vont retomber dès mercredi. D'ici là, 67 départements restent en vigilance orange. La France semble gérer cette situation. Les services d'urgence ne semblent pas débordés par les cas liés à la chaleur, selon Agnès Buzyn. La ministre de la Santé s'est félicitée hier que les messages de prévention avaient bien été pris en compte. Et autre conséquence de la chaleur, Valérian, un pic de pollution touche plusieurs régions. Oui, l'Île-de-France, la vallée du Rhône ou encore l'Est du pays. Plusieurs agglomérations ont mis en place des restrictions de circulation pour aujourd'hui. La circulation différenciée est appliquée en région parisienne, à Lyon et Villeurbanne, Strasbourg ou encore en Isère. Et la vitesse de circulation est abaissée de 20 km/h par endroit. Le bilan fait maintenant état d'au moins 82 morts en Indonésie. Un séisme de magnitude 7 a frappé l'île touristique de Lombok hier. Les autorités parlent de centaines de blessés. Ils se pressent pour sortir les survivants des ruines. Une alerte au tsunami avait été lancée puis levée. Ce séisme intervient une semaine après un premier tremblement de terre déjà meurtrier en Indonésie. Une nouvelle agression à l'arme blanche à Grenoble. Un homme de 28 ans a été placé en garde à vue hier soir après s'être rendu à la police. Un samedi soir, il a grièvement blessé un autre homme de 27 ans au parc Mistral. Cette agression intervient une semaine après la mort d'Adrien Pérez, tué à coups de couteau à la sortie d'une boîte de nuit. Il avait tenté de défendre ses amis. Une marche blanche aura lieu mercredi à Grenoble. On a appris hier la mort de Marie Imbert. Elle avait aidé son fils Vincent, tétraplégique après un accident de voiture, à mourir en 2003. L'affaire avait relancé le débat sur la fin de vie en France au début des années 2000. À l'étranger, le Venezuela mène l'enquête après l'attaque de samedi. 6 personnes accusées d'avoir tenté d'assassiner le président Maduro samedi ont été interpellées. Plusieurs explosions ont eu lieu pendant son discours sans blesser le président Nicolas Maduro. Ce dernier accuse maintenant la Colombie. La météo des plages, quelques légers nuages mais un ciel bleu en majorité pour les côtes de la Manche et la mer du Nord. Il fait 20 degrés dans l'eau. Dans l'air, comptez cet après-midi 29 degrés au Touquet, 23 pour Ouistreham. Pour le nord de la côte atlantique, de 18 à 21 degrés dans l'eau. Il fera 30 degrés dans l'air à Quiberon, 34 à Royan. Plus au sud à Lacanau, 23 degrés dans l'eau, 32 dans l'air. Du côté de Cap-Breton, 30 degrés au maximum cet après-midi. Pour les côtes de la Méditerranée, là aussi un grand soleil, 25 à 27 degrés dans l'eau d'ouest en est. À l'extérieur, comptez 31 degrés à Port-Camargue, 34 à Cannes. Enfin, pour la Corse, ce sera plus nuageux aujourd'hui. Bon réveil, c'est le morning de l'été sur RTL2. Seems RTL2 avec le son pop rock de Oasis, c'était Whatever, il est 6h36, j'espère que ça va bien pour vous. Les Red Hot Chili Peppers en préparation, ouais, on écoutera Queen aussi. Et puis on va rêver un petit peu là, tout de suite maintenant. Oui, rêver avec les salaires des chanteurs et des vedettes, puisqu'il y a deux semaines, le magazine Forbes dévoilait son classement des 100 célébrités les mieux payées sur les 12 derniers mois. Alors ça prenait en compte tout le monde, hein, les acteurs, les actrices, les chanteurs, les groupes. U2, Coldplay, Ed Sheeran pointés dans le top 10, hein, comme les musiciens les mieux payés au monde. Et bien cette fois-ci, c'est Billboard qui dévoile la liste des 50 musiciens, cette fois-ci que les musiciens les mieux payés aux États-Unis. Attention, hein, 4 critères, les revenus de vente physique, le streaming, les pubs et la tournée. Alors, vous êtes prêts? Bon, dans les 10 premiers, on a quand même quelques artistes pop-rock RTL2, comme par exemple Coldplay. 10e, un peu plus de 26 millions gagnés, ne serait-ce qu'aux États-Unis quand même. Hein. Ensuite, 5e de ce classement, l'ami Ed Sheeran. 5e position, un peu plus de 31 millions gagnés, rien qu'aux États-Unis, encore une fois. Hein. Et puis les champions du monde hors catégorie. Grâce à la tournée de Joshua Tree, l'album qui a fêté ses 30 ans, U2 a empoché aux États-Unis, juste aux États-Unis, hein. Écoutez bien, 54 millions d'euros, sachant que ces 54 millions qui sont essentiellement dus aux concerts. Ces trois artistes-là ont le plus gagné, hein, grosso modo, c'est 90% des revenus sur les concerts, parce que oui, les ventes de disques, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un peu la crise. On écoute les Red Hot maintenant, c'est sur RTL2. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to bite on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash your light on? Take a look, it's on display for you. Coming down, no, not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong. Take a piece and pass it on. RTL de Bon Réveil dans un instant, l'un des tout premiers tubes de Zazie. Zen dans quelques minutes pour bien se réveiller. Il y aura Queen également. Ou encore Nirvana, c'est le son pop rock RTL 2. Tout l'été, à partir de 19h, c'est RTL 2 Summer Party. Mix pop rock by Lauren et RLP. Pour un début de soirée up tempo. RTL de Summer Party, les soirs à 19h. Montez le son. Ah, bientôt la rentrée. Entre rangement et tâches ménagères, fini mon capital vacances. Et merci plus. Depuis 3 ans, c'est ma solution sur mesure. Ménage, repassage, merci plus m'a trouvé une professionnelle à qui je laisse mes clés en toute confiance. Enfin, je suis nulle en paperasse. Pas de souci, merci plus s'occupe de tout. Va vite sur merciplus.fr. Ah, merci. Plus. Merci plus. Notre propre, c'est d'en faire plus. Le son pop rock RTL2 vous accompagne partout avec l'appli RTL2. Ça, c'est le dernier iPhone. Like Boys sur RTL2. Easy go, little high, little low.

RTL de Bon Réveil, les vacances peut-être pour vous. Zen, en tout cas c'est Zazie qui nous le dit. Vous restez là parce que dans un instant, on écoutera Dire Straits, il y aura Ronan Luce également, ou encore Nirvana, ou même le dernier Jane que vous avez découvert ici sur RTL 2. C'était un vrai carton. Et puis, on aura du cadeau à vous offrir. Vos vacances à gagner dans le morning de l'été RTL 2. Tout l'été, partout en France, RTL 2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL 2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL 2. Bonnes vacances avec RTL 2. La radio pop rock. Ready Player One. Après E.T., Indiana Jones et Jurassic Park, Steven Spielberg signe son grand retour au film d'aventure. Un héros, une quête, un monde à sauver. Ready Player One, un film déjà culte, enfin en DVD, Blu-ray et VOD. RTL 2, il est 7h. Moi aussi, je peux faire la grosse voix. Il y a Jane dans un instant. L'actu de ce matin, c'est avec Valérian Guestre. Bonjour Valérian. Bonjour Christophe, bonjour à tous. En Indonésie, 900 touristes sont évacués en ce moment même de petites îles autour de Lombok. Un séisme de magnitude 7 a frappé l'île touristique hier. Au moins 82 personnes sont mortes et des centaines d'autres blessées. Les secours tentent de dégager les survivants des décombres. Ce séisme intervient une semaine après un premier tremblement de terre qui a déjà fait 17 morts. Pas de surcharge des services d'urgence. Agnès Buzyn a déclaré hier que le nombre de consultations en lien avec la canicule était assez faible dans les hôpitaux. Selon la ministre de la Santé, les messages de prévention ont bien été pris en compte. Cette vague de chaleur se poursuit pendant 2 jours encore. Conséquence sur la route, une réduction de la limitation de vitesse et des restrictions de circulation aujourd'hui par endroit. Un pic de pollution à l'ozone touche l'Île-de-France, la vallée du Rhône et l'est du pays. Une marche blanche aura lieu mercredi à Grenoble. Un hommage rendu à Adrien Pérez, 26 ans, poignardé à mort le 29 juillet à la sortie d'une boîte de nuit. Il avait tenté de protéger ses amis. Ses agresseurs ont été mis en examen. Il s'agit de 2 frères de 19 et 20 ans. Et ce week-end, un jeune homme de 27 ans a lui été grièvement blessé à l'arme blanche, toujours à Grenoble. Son agresseur s'est rendu à la police. L'état de catastrophe naturelle décrété par Donald Trump en Californie. L'état américain est touché par de violents incendies depuis plusieurs semaines. L'un d'eux a tué 7 personnes et n'est toujours pas contrôlé malgré les 4200 pompiers mobilisés. Nicolas Maduro prépare sa riposte. Le président vénézuélien a dit avoir été victime d'une tentative d'attentat samedi. 2 explosions ont retenti pendant un défilé militaire sans atteindre le chef d'État. 6 personnes ont déjà été arrêtées. Le gouvernement vénézuélien accuse la Colombie d'avoir commandité cette attaque. Début des championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin. La compétition a lieu toute la semaine. Des Français sont engagés aujourd'hui en marteau, en poids, en longueur, ainsi que sur 100 mètres et 400 mètres haies. Les Bleus avaient remporté 6 médailles aux Jeux Olympiques de 2016 et 5 aux Mondiaux l'an dernier. Ils font partie des favoris. Coup d'œil sur la météo. Tout à fait, 67 départements sont toujours en vigilance orange à la canicule. 2 tiers du pays est concerné. L'air est plus frais de la Bretagne aux Hauts-de-France. Partout ailleurs, il fait très chaud. Et les journées les plus chaudes de cette canicule sont pour aujourd'hui et demain. Ensuite, les températures vont chuter en milieu de semaine. Dans le ciel, du bleu aujourd'hui. Temps magnifique. Attention à des orages malgré tout dès la fin de la matinée sur les Alpes et en Occitanie. Quelques nuages et des coups de tonnerre en Corse cet après-midi. Pour les températures, 15 à 18 degrés sur le nord-ouest en ce moment. Déjà plus de 20 degrés partout ailleurs. Cet après-midi, on aura 25 à Dunkerque, 32 à Ajaccio. Comptez 34 degrés à Bayonne et Toulon, jusqu'à 35 degrés pour Annecy. Très bon réveil, bonne matinée avec Christophe Mercier sur RTL 2. Jusqu'à 9h, c'est le morning de l'été sur RTL 2. Nacho. Feel east. Curiosity runs into my dreams. Darling, I look about the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be alright. C'est RTL2, c'est le Samba Proc de Jane, l'un des tubes de l'été, c'était Alright. Tous les jours de 6h à 10h, c'est le morning de l'été sur RTL2. Et on vous souhaite la bienvenue, oui, à tous et à toutes, que vous soyez en vacances ou sur le chemin du travail, c'est RTL2, c'est le Samba Proc. Avec tout à l'heure Dire Straits pour les grands classiques, il y aura Renan Luce également, on va entendre U2 ou encore Nirvana. On n'oublie pas de souhaiter une bonne fête aujourd'hui aux Marlène, prénom très répandu. Par contre, on va souhaiter aussi une bonne fête aux Octaviens. Alors là, par contre, si vous en connaissez, bon courage. Donc, bonne fête à vous, les Octaviens. Il y a quelques anniversaires. Celui de Michael Knight Shyamalan, vous le connaissez forcément. C'est celui qui a réalisé, entre autres, Sixième Sens. Oui, oui, vous le connaissez forcément. Bon anniversaire également à Carl Zero, l'ancien chroniqueur télé. Il fête ses 57 ans aujourd'hui. Marc Lavoine, 56 ans. Et puis, Luc Alphand, le skieur, fête aujourd'hui ses 53 ans. On va vous envoyer en vacances, parce qu'on est comme ça sur RTL2 dans le morning de l'été. On vous offre vos vacances. Dans un instant, la roue pop rock RTL2. Allez-y, 32-28 pour partir à deux en résidence BO Resort. Vous reconnaissez l'artiste sur lequel vous tombez et c'est gagné. C'est aussi simple que ça. Et en attendant, eh ben le son pop rock RTL2, c'est avec Nirvana, The Man Who Sold the World. Il est 7h06. Bon réveil. We'll be right back.

one try, infiltrate but never find, just falling slowly. You left me so damn lonely. Try stepping back to when we rhymed, maybe recreate the times you were shy but happy, and we were fine and dandy. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go. George, he knows all the chords. And his strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. Sultans, we're the sultans of swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Rock and roll. And the sultans, yeah, the sultans that play Creole. Avec le son pop rock de Dire Straits, c'était Sultans of Swing à la guitare de Mark Knopfler. On aime l'écouter, surtout dès le matin. On aime faire de la hier guitare, hein, de la fausse guitare. En tout cas, on commence cet horoscope avec les béliers. Des occasions en or se présenteront. Les taureaux, vous n'aurez besoin de rien dire de plus. Les gémeaux, vous trouverez les réponses à vos questions. Les cancers, vous allez prendre le temps de trouver les bons mots. Les lions, vous serez d'humeur romantique. Les vierges, vous aurez aujourd'hui une âme de vainqueur. Les balances, pas question de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Les scorpions, vous aurez confiance en vous. Les sagittaires, l'heure sera à la rigolade. Les capricornes, un voyage ou une aventure va vous combler. Vont vous combler plutôt. Les verseaux, un ami de longue date sera présent pour vous. Et puis enfin les poissons, vous êtes un bon vivant et vous allez encore une fois le prouver. Tant que vous connaissez et que vous commencez la journée avec le son pop rock RTL2, tout va bien. On écoute Cat Centuries pour aller jusqu'aux infos de 7h30. Baby, the roof's on fire. le son pop rock. Bon réveil, 7h28. Et tiens, si vous tourniez la roue pop rock RTL2, je dis ça parce que vous allez peut-être partir à deux dans une résidence Bio Resort avec une expérience vraiment exceptionnelle. Direction la Normandie, à Bagnoles-de-l'Orme, et un spa qui propose des soins à base de pommes et de cidre et d'eau thermale. Ça va être bien ça, hein. Une résidence de charme 4 étoiles, des bassins aquatiques, hammam, club enfant gratuit. Donc vous allez pouvoir évidemment profiter de cette résidence à condition de nous appeler maintenant, 3228 RTL2, pour tourner avec nous la roue pop rock tout à l'heure. Restez avec nous. Il y a Renan Luce, U2 et les Cranberries qui se préparent. Tout l'été, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL2 sur RTL2.fr ou écoutez l'appli RTL2. La radio pop rock. L'été, les projets fleurissent. Et chez Castorama, on vous aide à les faire grandir. Alors nous vous facilitons la vie en vous offrant la livraison. Oui, la livraison offerte sur tous les produits cuisine, salle de bain et rangement dès 250 euros d'achat. Mais vite, la livraison offerte chez Castorama dès 250 euros d'achat, c'est seulement jusqu'à ce soir. Alors vive l'été et en avant les projets avec Castorama. Castorama, ensemble on peut tout faire. Offre valable du 3 au 6 août, voire conditions en magasin. Liste et horaires des magasins sur castorama.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, alerte orange chez Lidl. Ah, enfin une bonne nouvelle. Bonne nouvelle patron, faut le dire vite. Hein. Aujourd'hui et demain, la barquette d'un kilo d'abricots Origine France est à 1,99€. Des abricots à moins de 2€? Pourquoi tu ramènes ta fraise avec ton orange? Eh ben, alerte orange comme les abricots à 1,99€ le kilo. En plus, c'est les mêmes prix partout en France. Ah bravo, je vois rouge maintenant. Ah, on est mal. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-40, Origine France. RTL 2, 7h30. Et comme chaque demi-heure dans le morning de l'été, l'info avec Valérian Guestre. Bonjour Valérian. Bonjour Christophe, bonjour à tous. La canicule ne faiblit pas, bien au contraire. Météo France annonce la plus grosse vague de chaleur pour aujourd'hui et demain. Il faut être patient, les températures vont retomber dès mercredi. D'ici là, 67 départements restent en vigilance orange. La France semble gérer cette situation. Les services d'urgence ne sont pas débordés par les cas liés à la chaleur. Selon Agnès Buzyn, la ministre de la Santé s'est félicitée hier que les messages de prévention avaient été bien pris en compte. Et avec cette chaleur, plusieurs régions sont touchées par un pic de pollution. Oui, l'Île-de-France, la vallée du Rhône et l'Est du pays notamment. Plusieurs agglomérations ont mis en place des restrictions de circulation pour aujourd'hui. La circulation différenciée est appliquée en région parisienne, à Lyon, Villeurbanne, Strasbourg ou encore en Isère. Et la vitesse de circulation est abaissée de 20 km/h par endroit. Les secours tentent de venir en aide aux survivants du séisme d'hier en Indonésie. Tremblement de terre de magnitude 7 qui a fait au moins 82 morts sur l'île de Lombok. Des centaines de personnes sont blessées. 900 touristes sont évacués ce matin de petites îles autour de Lombok. Ce séisme intervient une semaine après un premier tremblement de terre déjà meurtrier en Indonésie. Une nouvelle agression à l'arme blanche à Grenoble. Un homme de 28 ans a été placé en garde à vue hier après s'être rendu à la police. Samedi soir, il a grièvement blessé un autre homme de 27 ans. Cette agression intervient une semaine après la mort d'Adrien Pérez. Il a été tué à coups de couteau à la sortie d'une boîte de nuit à Grenoble en voulant protéger ses amis. Un homme s'est noyé hier après-midi au large de Merville-Franceville dans le Calvados. Le vent s'est levé mettant en difficulté le septuagénaire. 13 autres personnes ont été prises en charge par les secours. L'hypothèse d'un suraccident avec des personnes voulant en aider d'autres est privilégiée par les autorités locales. Une cloche a retenti ce matin à Hiroshima au Japon, 73 ans après le premier bombardement atomique au monde. C'était le 6 août 1945. Plus de 140 000 personnes sont mortes ce jour-là et dans les semaines à venir à Hiroshima au Japon. On regarde ce qui se passe sur la météo. Oui, et du côté des plages. Quelques légers nuages, mais un ciel bleu en majorité pour les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Aujourd'hui, il fait 20 degrés dans l'eau. Dans l'air, comptez 29 degrés au Touquet, 26 degrés à Étretat cet après-midi. Pour le nord de la côte atlantique, de 18 à 21 degrés dans l'eau. Comptez 34 degrés à Royan, 30 degrés dans l'air à Quiberon. Plus au sud, à Lacanau, 23 degrés dans l'eau, 32 dans l'air. Du côté de Cap-Breton, 30 degrés au maximum cet après-midi. Pour la Méditerranée, là aussi un grand soleil, 25 à 27 degrés dans l'eau. Comptez 31 degrés dans l'air à la Grande Motte. En Corse, ce sera plus nuageux aujourd'hui avec des risques d'orages également. Il fera 35 degrés à Porto Vecchio, 28 degrés dans l'eau. Très bon réveil, bonne matinée avec Christophe Mercier sur RTL2. Dans tous ces naufrages, notre histoire en âge n'est plus celle que l'on imagine. Le vol dessine comme on a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent, ouais, le vol des cimes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des cimes. Comme à l'ancienne adresse, l'inconnu tendresse, manquait tant à notre estime, on suit le vol. Enlever les gants pour embrasser d'autres cimes. Suis le vol des cimes. Toucher le littoral, émouvant le sable sur les plages d'une vie divine. Le vol des cimes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines. D'autres lignes, on suit le vol des cimes. Le vol des cimes. De là-haut à l'océan, s'élance vers une autre vie mystère. Dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol. 7h36 avec RTL2 et le son pop rock de Laurent Lemercal. À l'instant, vous nous rejoignez, eh ben, vous tombez bien parce qu'on va écouter Renan Luce. Il y aura U2 dans une poignée de secondes ou encore les Cranberries. Pour l'instant, coup d'œil sur quelques journaux, les titres de la presse nationale. On commence avec le Figaro et cette première page, cette une du Figaro consacrée au Muséum National d'Histoire Naturelle qui révèle tous ses trésors au Figaro. Si vous avez envie de découvrir ce muséum qu'on a tous à peu près visité une fois dans sa vie à Paris, eh bien là, vous le ferez par procuration via le Figaro. Si vous êtes plutôt sportif, eh bien, la une de l'équipe aujourd'hui, c'est encore avec cette nouvelle journée pour les Français hier dans ces championnats d'Europe avec à la fois l'aviron mais aussi la gymnastique qui ont reçu quelques belles médailles. Et puis l'OM également à la une de l'équipe. L'OM qui prévient ses rivaux. Dossier complet sur l'Olympique de Marseille aujourd'hui dans l'équipe. Et puis alors, si vous êtes plutôt lecture été, je vous conseille d'ouvrir Femme Actuelle de cette semaine. Oui, je lis Femme Actuelle. Oui, cela m'arrive. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve quand même toujours quelques bons conseils. Je me sens bien. 8 solutions pour se préserver du moustique tigre. Vous voyez ? Ben ça, c'est le genre de truc pratique que vous trouvez que dans Femme Actuelle. Et même si vous êtes un homme, vous pouvez lire Femme Actuelle, il n'y a aucun souci. Ça ne remet pas en cause votre virilité, certainement pas. Bien au contraire. 7h37 avec RTL2 et le son pop rock des Passengers. La roue pop rock, hein, n'oubliez pas, on vous attend. 32-28, on vous offre vos vacances. Inscrivez-vous. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You

Tout va bien, bon réveil, c'est RTL2 avec le son pop rock des Connells. La roue pop rock RTL2. Bonjour Farid. Bonjour Christophe, comment allez-vous? Ben ça va et vous Farid? Ah très très bien la forme. Hein. Bientôt les vacances. Bientôt les vacances. Bientôt les vacances en Croatie, à l'île de Kerk. Ah, en Croatie, vous allez pouvoir les chambrer un peu. Oui, oui, mais bon, je pense qu'ils sont sympas. Hein. Je pense, oui, je pense oui. qu'ils ne nous en tiennent pas rigueur. Hein. Non, ben vous verrez, vous nous direz. Hein. On compte sur vous. Oui, je vous enverrai une carte. Ouais, avec plaisir. Allez, j'ai lancé la roue pop rock RTL2, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Allez. Et bonne chance. Et moi je suis un homme qui aime bien ce jour dont je ne veux pas qu'elle s'assomme. Car Farid y chante, hein. Amoureux. Alors est-ce que vous avez ses initiales, c'est R et L. C'est re et à la fin c'est Luce. Renan Luce. Ouais, bravo, voilà, elle vous a pas aidé. Oh, vous êtes sympa parce que là, je panique. Hein. Il faut pas, Farid. Je vous offre votre séjour pour deux personnes. Je tremble comme une feuille. Mais il faut pas, en résidence Bioresort, vous allez aller direction la Normandie, c'est à Bagnoles de Bigorre avec le spa sur place, avec le bassin aquatique, hammam. Il y a plein de choses. Et si vous voulez plus d'infos, vous allez sur bo-resort.com. C'est pour vous, Farid. C'est une semaine? Oui, c'est une semaine. Ça vaut le coup, oui. Ah, bah ça oui, vaut le coup. Vraiment... Ah, oui, et oui. C'est à choisir pour un an. Ah, bon, on va vous expliquer tout ça en antenne, Farid. Passez une belle journée. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. Et merci RTL2 surtout. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur, aspergé de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe. Ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches. Et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes sébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert. Il faudra être patient. Des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche. Quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme aime bien ce genre d'enjeu. Veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.

si le vent tourne. Ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Je revois les vagues et puis la mer danser dans l'écume de nos verres. Et nous saouler au vent salé. Toute la nuit on se resserre. Écoute nos rires ricochés dans l'eau claire du ciel d'été. On écrivait sans le savoir les plus belles plages de notre histoire. Tu sais les sables émouvants. Plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Allongé sur le sable chaud, je comptais les grains de ta peau. Toi tu nageais entre deux eaux, entre une pelle et un râteau. Était-ce les UV, les envies? Je me sentais fondre et brûler. Même le soleil ébloui se penchait pour t'embraser. Tu sais les sables émouvants. Plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours. RTL2 avec Arcadiane. Jusqu'à 9h, c'est le morning de l'été sur RTL2. Il est 8h05, j'espère que ça va bien pour vous. De belles vacances, c'est ce que je vous souhaite si c'est le cas. Et puis pour ceux qui viennent de reprendre le boulot aujourd'hui, et il y en a quelques-uns, courage avec le player RTL2 pour bien nous écouter au bureau et au travail tout au long de la journée. Parce que je vous ai préparé Imagine Dragons, Téléphone, Muse, Coldplay, Charlie Winston ou encore les Cranberries. Tout ça dans le morning de l'été RTL2. On est le lundi 6 août, on souhaite une bonne fête aujourd'hui aux Marlène, mais aussi une bonne fête aux Octaviens, parce que oui, ça existe. On va souhaiter un bon anniversaire à Carl Zero. Il a 57 ans aujourd'hui. Son vrai nom, c'est Marc Tellen. Mais je savais pas, moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Marc Lavoine, lui, fête ses 56 ans. Et puis Jerry Halliwell, elle fête ses 46 ans également. Souvenez-vous, la Spice Girl, qui avait fait également une petite carrière en solo plutôt sympa. Bon anniversaire à Jerry Halliwell. Et puis, vous le savez, ça va taper fort encore au niveau de la météo aujourd'hui. Eh bien, tout à l'heure, on va vous donner quelques conseils pour rafraîchir un petit peu l'atmosphère dans les bons plans de l'été RTL2. Des conseils que vous connaissez peut-être déjà. Et puis d'autres un petit peu moins. Donc rendez-vous tout à l'heure. Et en attendant, eh ben montez le son. On se réveille avec les Cranberries. C'est Linger à 8h07 dans le morning de l'été RTL2. Thank you.

le morning de l'été sur RTL 2. C'était Starlight. On commence cet horoscope avec les béliers. Des occasions en or vont se présenter. Les taureaux, vous n'aurez besoin de rien de plus pour être heureux. Les gémeaux, vous trouverez les réponses à vos questions. Les cancers, vous allez prendre le temps de trouver les bons mots. Les lions, vous serez d'humeur romantique. Les vierges, vous aurez carrément une âme de vainqueur. Aujourd'hui, les balances, pas question de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Les scorpions, vous aurez confiance en vous. Les sagittaires, l'heure sera à la rigolade. Les capricornes, un voyage ou une aventure vous comblera aujourd'hui. Les verseaux, un ami de longue date sera présent pour vous et au bon moment, s'il vous plaît. Et puis enfin, les poissons, amis, apéro, chanter, danser. Voilà quelques bons mots. Vous êtes un bon vivant et vous le prouverez encore une fois, les poissons. On écoute Alanis Morissette avec Thank You. Les infos de 8h30 arrivent. Et puis tout à l'heure, je vous dirai quels sont les chanteurs qui ont gagné le plus d'argent aux États-Unis cette année. Il y a beaucoup d'artistes pop rock. How about getting off of these antibiotics? France. Et bon réveil avec le son pop rock d'Alanis Morissette. C'était Thank You. Il est 8h28. Les bons plans de l'été RTL2 tout à l'heure. On va vous donner quelques bons plans, quelques petites consignes, quelques points positifs pour résister à cette canicule. Et surtout, comment aérer son appartement, comment le rendre plus frais, etc. Voilà, plein de bons plans pour lutter contre cette canicule. C'est tout à l'heure, un petit peu avant 9h, dans le morning de l'été RTL2. En attendant, Imagine Dragons, Téléphone et Charlie Winston, c'est la suite avec les infos de 8h30 dans le morning de l'été RTL2. Tout l'été, à partir de 19h, c'est RTL2 Summer Party. Mix Pop Rock avec Loran et RNP. Pour un début de soirée up tempo. RTL2 Summer Party, tous les soirs à 19h. Montez le son. 100% de. Et cette passe, elle est magnifique, elle est superbe. 100% de. Et le but 100% de. Le tacle décisif. 100% de. Oh là là, quel arrêt 100% de. La frappe. Cette saison, vivez 100% de la Ligue 1 Conforama sur Canal+, Canal+ Sport et beIN Sport avec Canal et l'offre Les Chaînes Sport. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition. Il est 8h30. Et si on faisait un point complet sur toute l'actualité avec Valérian Guestre. Bonjour Valérian. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le pire est à venir pour la canicule. Météo France annonce la plus grosse vague de chaleur pour aujourd'hui et demain. Il faudra donc être patient, les températures vont retomber dès mercredi et jeudi. D'ici là, 67 départements restent en vigilance orange. Du côté des hôpitaux, les services d'urgence ne sont pas débordés par les cas liés à la chaleur, selon Agnès Buzyn. La ministre de la Santé s'est félicitée hier que les messages de prévention aient bien été pris en compte. Et autre conséquence de la chaleur, un pic de pollution touche plusieurs régions. Oui, l'Île-de-France, la vallée du Rhône et l'est du pays. Plusieurs agglomérations ont mis en place des restrictions de circulation pour aujourd'hui. La circulation différenciée est appliquée en région parisienne, à Lyon et Villeurbanne, Strasbourg ou encore en Isère. Et la vitesse de circulation est abaissée de 20 km/h par endroit. Le bilan fait maintenant état d'au moins 90 morts en Indonésie. Un séisme de magnitude 7 a frappé l'île touristique de Lombok hier. Les autorités parlent de centaines de blessés. Les secours se pressent pour sortir les survivants vivant des ruines. Une nouvelle agression à l'arme blanche à Grenoble. Un homme de 28 ans a été placé en garde à vue hier soir après s'être rendu à la police. Samedi soir, il a grièvement blessé un autre homme de 27 ans au parc Mistral. Cette agression intervient une semaine après la mort d'Adrien Pérez à Grenoble, tué à coups de couteau à la sortie d'une boîte de nuit. On a appris hier la mort de Marie Imbert. Elle avait aidé son fils Vincent, tétraplégique après un accident de voiture, à mourir en 2003. L'affaire avait relancé le débat sur la fin de vie en France au début des années 2000. Une disparition inquiétante au Japon. Une Française de 36 ans, Tiphaine Véron, n'a plus donné signe de vie depuis plus d'une semaine. Elle se trouvait en vacances dans la région de Nico, dans le nord-est du pays. Le Venezuela mène l'enquête après l'attaque de samedi. 6 personnes accusées d'avoir tenté d'assassiner le président Maduro samedi ont été interpellées. Plusieurs explosions ont eu lieu pendant un défilé militaire, mais sans blesser Nicolas Maduro. Ce dernier accuse maintenant la Colombie. La météo des plages, quelques légers nuages mais un ciel bleu en majorité pour les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Il fait 20 degrés dans l'eau, dans l'air comptez 29 degrés au Touquet par exemple, 27 degrés à Trouville cet après-midi. Pour le nord de la côte atlantique, de 18 à 21 degrés dans l'eau, il fera 34 degrés à Royan. Plus au sud à Lacanau, 23 dans l'eau, 32 dans l'air du côté de Cap-Breton, 30 au maximum cet après-midi. Pour les côtes de la Méditerranée, là aussi un grand soleil et puis une température dans l'eau en hausse, 25 à 27 degrés d'ouest en est. À l'extérieur comptez 31 degrés à Port-Cam, Marc 34 à Cannes. Pour la Corse, c'est plus nuageux avec des risques d'orage. Il fera 35 degrés à Porto Vecchio, 28 degrés dans l'eau. Très bon réveil, bonne matinée. Jusqu'à 9h, c'est le morning de l'été sur RTL2. I've always known. Since I was a young boy, in this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word, and I have to say, that is the best advice I've had. because something burns inside of me. It's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. Avec RTL2 et le Samba Proc de Charlie Winston, c'était Like a Hobo. On va rêver maintenant, oui, rêver avec plein de sous qu'on n'a pas, mais que les artistes, eux, ont, puisqu'il y a deux semaines, Forbes dévoilait son classement des 100 célébrités les mieux payées des 12 derniers mois. U2, Coldplay, Ed Sheeran figuraient parmi les musiciens les mieux payés. Et bien cette fois-ci, c'est Billboard, le magazine américain, qui a dévoilé sa liste des 50 musiciens les mieux payés, mais uniquement aux États-Unis, avec 4 critères. 1. Les revenus de vente physique. 2. Le streaming. 3. La pub, et 4, les concerts. D'accord ? Et bien quand on additionne tout ça, par exemple, en 10e position, on a un groupe que vous connaissez bien. Coldplay. Un peu plus de 26 millions d'euros. Ensuite, 5e position. 31 millions. Rien qu'aux États-Unis, hein. Je le précise quand même. Hein. Et enfin, ils ont gagné plein de sous. 54 millions. Bon, alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que grosso modo, 90% des ressources, c'est plutôt les concerts. Hein. Donc, ils gagnent leur vie à la sueur de leur front. On écoute les Corrs. Maintenant, c'est le son pop rock dans le morning de l'été RTL2. You bought me with your stories. I can't believe that I endured you for as long as I did. I'm happy, it's over. I'm only sorry that I didn't make the move before you. And when you go, I will remember to send a thank you note to that girl. I see she's holding you so tender. Well, I just wanna say, I never really loved you anyway. No, I didn't love you anyway. Yeah. I never really loved you anyway. must remember to say I never really loved you anyway. Le son pop rock des Corses. Il est 9h20, vous restez avec nous. Les bons plans de l'été dans un instant, des bons plans et des frais et des vraies et fausses idées pour se rafraîchir. Les bonnes, les vraies, hein. On va vous donner quelques bons plans, ça va être utile aujourd'hui. Et puis pour le son pop rock RTL2, Téléphone, Imagine Dragons ou encore Counting Crows, c'est ce qui arrive dans le morning de l'été RTL2. Justine dit, c'est Greg. Voilà, j'ai pensé à quelque chose pour l'émission. Mais Greg, on vient de partir en vacances. Non mais ça je sais, mais j'ai pensé à une nouvelle rubrique. Oui monsieur, un double mojito, par favor. Bah non, c'est double expresso, hein. Oh mais pas pendant les vacances, Greg, allez, on en reparle plus tard. D'accord, mais je te manque un peu quand même. Bonnes vacances, Greg. Oh là là. Lundi 27 août, 6h-9h, c'est le retour du double expresso RTL2. Comme des milliers de familles, faites confiance aux professionnels O2, formés à l'éveil et à la sécurité pour garder vos enfants. Avec plus de 300 agences en France, O2 n'est jamais loin de chez vous. Renseignez-vous sur O2.fr. Et moi je vois la vie en mieux, O2. Elle attend ce moment depuis un an. Il en rêve depuis des mois. Cet été, ils sont prêts à se retrouver. Prêts à se faire leur maxi déclaration. Pour finir ensemble et heureux, dans un placard français, qui sait ? McDonald's présente le retour des verres Coca-Cola. À partir du 3 août, un verre Coca-Cola est offert pour tout achat d'un menu maxi best-of. Durée limitée. Le verre en cours de distribution est affiché en restaurant. Offre non valable sur la livraison à domicile. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tous les jours, partout en France, RTL2, le son pop rock. So crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing. c'est le morning de l'été sur RTL 2. I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. C'est le son pop rock de Imagine Dragons. Dans un instant, Counting Crows, on écoutera Boulevard Désert ou encore Police et Louise Attaque. Mais pour l'instant, les bons plans de l'été RTL 2 et les vraies et fausses idées pour se rafraîchir, selon le journal 20 minutes qui vous propose cet article. Alors, on va vous donner 2-3 infos et puis on va vous dire si c'est des bonnes ou des mauvaises idées. On commence avec prendre une douche glacée. D'après vous, bonne ou mauvaise idée? Eh bien, mauvaise idée. Pourquoi? Parce que vous risquez un choc thermique, vous risquez des vertiges ou encore des maux de tête. Les médecins conseillent plutôt de prendre une douche tiède, donc pas de douche glacée. Boire beaucoup d'eau, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Oui, c'est une bonne idée, mais attention, en boire trop, c'est inutile, voire dangereux. Et trop, c'est plus de 2 litres par jour. Donc ne buvez pas plus de 2 litres, ça ne sert à rien. Dormir avec un ventilateur allumé, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, oui, c'est une bonne idée, mais attention, selon les médecins, le ventilateur a un effet asséchant sur la gorge, les yeux, la peau. Donc si vous l'utilisez, comme moi par exemple, vous l'orientez vers le bas du corps. ce que je ne faisais pas avant aujourd'hui, hein, et ce que je vais faire à partir de ce soir. Est-ce que manger des glaces, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Oui, c'est une bonne idée, mais attention, il ne faut pas en abuser. Pourquoi? Parce que plus les aliments sont froids, plus le corps utilise de l'énergie pour les réchauffer dans l'estomac, et donc il produit de la chaleur. Et puis enfin, débrancher les appareils électriques, parce que c'est tout bête, hein, mais je sais pas, un petit transfo qui reste branché dans votre appartement, quelque chose comme ça, ça produit de la chaleur. Alors c'est rien, hein, mais ça, plus la box, plus le chargeur de téléphone, etc., etc., ben ça produit de la chaleur. On écoute Counting Crows maintenant. C'est le son pop rock RTL2. Et après 9h, du classique de chez classique. Vous

Heineken 00. C'est tout le goût d'une bière Heineken, mais sans alcool. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL2 présente la 4e édition de l'Ironman et Ironman 70.3 Wifi le samedi 25 et dimanche 26 août. 3,8 km de natation, 180 km de vélo au cœur de l'Auvergne et un marathon dans le centre-ville de Vichy. Plus de 4000 athlètes, dont les meilleurs mondiaux. Plus d'infos sur ironman.com. La 4e édition de l'Ironman et Ironman 70.3 Wifi samedi 25 et dimanche 26 août avec RTL2. Bonjour, c'est moi votre fournisseur officiel Plein Ciel. Pour une rentrée ultra cool avant tout le monde, téléportez-vous chez Plein Ciel. Les promos, les marques top au meilleur prix sont déjà là. Même mon agenda scolaire? Affirmatif, à partir d'1,99€. Allez, soyez les premiers à payer moins cher. Avec Plein Ciel, prenez de l'avance. Rendez-vous dans nos 230 magasins. Moins cher! Détails de l'offre en magasin. RTL2. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Alors? Eh ben c'est cuit. En ce moment, ils font le poulet cuit fumé à 2,85€ le kilo au lieu de 3,55€. 2,85€ le kilo de poulet cuit fumé chez Lidl? Moins 19%, ça me cloue le bec. Et c'est de la volaille française, hein? Délicieusement fumée au bois de hêtre. Et en plus, c'est les mêmes prix partout, même pendant les vacances. Eh ben bonjour les vacances. Oh bah oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pièce d'environ 1,2 kg, offre valable jusqu'au mardi 14 août. Produit transformé en France. Pour votre santé, évitez de grignoter. 100% de. Et cette passe, elle est magnifique, elle est superbe. 100% de. Et le but. 100% de. Le tacle décisif. 100% de. Oh là là, quel arrêt, quel arrêt. 100% de. La frappe. Cette saison, vivez 100% de la Ligue 1 Conforama sur Canal+, Canal+ Sport et beIN Sport avec Canal et l'offre Les Chaînes Sport. Appelez vite le 3910. Service payant, 25 centimes la minute, plus prix appel. Offre soumise à condition. Picard. La chaleur de l'été. La fraîcheur du sorbet melon. L'intensité de la glace chocolat du Pérou ou le petit goût acidulé du citron sicilien. Je ne sais pas vous, mais moi, je fonds déjà. Jusqu'au 12 août chez Picard, découvrez les parfums Pure Sélection et profitez du deuxième pot à moitié prix avec la carte Picard et moi. Picard, chaque jour un goût nouveau. Remise effectuée en caisse, voire conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé,